Héros peut-il trahir ? Lorsque l'homme comparaît en juillet 1978 devant la Cour de sûreté de l'État, le président lui dit d'emblée : il est pénible de demander des comptes à un personnage comme vous avec un tel passé. Un tel passé, oui. Le magistrat a raison. Il suffit de citer les décorations de ce héros de la résistance, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45. Et pourtant, c'est cet homme-là, le colonel B, qui est accusé d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère et qui aurait gravement nui à la situation politique et militaire de la France. Mais un autre héros se dresse dans le prétoire, c'est le colonel Rémy, l'un des résistants les plus célèbres et les plus courageux. Une figure emblématique, un homme qui n'a jamais caché ses sympathies pour la droite, au contraire de l'accusé, ancien FTP et proche du Parti communiste. Et Rémy tonne, indigné. Le colonel B n'a pas pu trahir son pays. Les traîtres, nous avons payé cher d'apprendre à savoir les reconnaître. Mon ami, lui, appartient à une race d'hommes sans laquelle la France aurait aujourd'hui une autre figure. Malgré ce prestigieux plaidoyer en sa faveur, le colonel B sera pourtant condamné à 8 ans de réclusion. Il lui faudra attendre l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République pour être gracié et recouvrer la liberté. Alors, ce héros était-il vraiment coupable d'espionnage ou a-t-il été victime d'une machination ? Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Et pourquoi l'appelez-vous le colonel B ? Avez-vous peur de prononcer son nom ? Peur ? Non, ce serait ridicule. J'estime que 22 ans après sa condamnation, le colonel B a droit à la paix et à l'oubli. Sa famille aussi. Alors il est inutile de donner son vrai nom. Il vit encore ? Je ne sais pas. Mais s'il vit, c'est aujourd'hui un très vieil homme. Je voudrais tout de suite vous dire ceci. Souvent, au cours de nos entretiens, j'ai évoqué la figure de quelques espions. De vrais traîtres qui avaient truqué leur passé et que leur maître faisait chanter justement à cause de ces mensonges. Ouais, par exemple, ce préfet qui s'était inventé un passé de résistant, mais qui en fait avait été un collaborateur de la Gestapo. Hein. Par exemple, mais rien de tel pour le colonel B. Nul ne peut mettre en cause ses activités au service de la résistance. Justement, la résistance racontée, là. Commençons d'abord par l'avant-guerre. Ouais. Le futur colonel B est alors un modeste artisan électricien. Politisé ? Oui, il est très proche du Parti communiste. Peut-être même appartient-il à l'appareil clandestin. Ouais, il y a là déjà une zone d'ombre. Hein. Incontestablement, mais l'époque est ainsi faite. À la veille du conflit mondial, les communistes ont mis en place toute une organisation clandestine qui double les structures officielles, ce qui permettra à certains de passer à travers les mailles du filet quand, après la signature du pacte germano-soviétique et la dissolution du parti, les militants communistes français seront pourchassés. Mais clandestin, est-il lié à Moscou ? Il ne pouvait pas en être autrement. Il s'est d'ailleurs vraisemblablement rendu dans la capitale russe avant 1939. Mais est-ce qu'il a pour autant des rapports avec les services secrets soviétiques ? Impossible de le dire. Et puis, quelle importance ? Ce qui compte, c'est ce qu'il va accomplir en tant que résistant. Ouais. Alors, quand la guerre éclate, que fait-il ? Il est mobilisé comme tout le monde et il est fait prisonnier au moment de la débâcle. Mais très rapidement, Joseph, comme on va l'appeler dans la résistance, s'évade de son stalag. Et Joseph, c'est aussi le prénom Staline. C'est vrai, et s'il a choisi ce pseudonyme, ce n'est peut-être pas un hasard. Ah bon. Alors, quand s'évade-t-il ? En octobre 40, oui, qui n'est pas resté très longtemps prisonnier. Ouais. Et à cette date, le Parti communiste n'est pas encore entré dans la voie de la résistance. Bien sûr que non, puisque Hitler n'a pas encore envahi l'URSS. Mais ça ne veut pas dire que certains militants ne se sont pas préparés à résister à l'occupant. Ouais. Certains militants... Oui, des gens comme Charles Tillon ou encore des membres de la MOI, la main-d'œuvre immigrée, des hommes qui savent plus que d'autres quelle est la nature réelle du nazisme. Et assez vite, tous ces militants créent l'OS, l'organisation spéciale. C'est une organisation de résistance ? Pas encore vraiment. L'OS qui donnera plus tard naissance au FTP est d'abord une structure clandestine destinée à protéger le parti et ses militants. Ouais. Et Joseph donc rejoint cette organisation spéciale. Oui, dès qu'il revient en France après s'être évadé, et naturellement quand en mars 1942 les francs-tireurs et partisans succéderont à l'organisation spéciale, il en sera. Plus important, le futur colonel B sera l'un des premiers à établir un contact avec Londres. Comment là ? Par l'intermédiaire de Gilbert Renaud, dont le pseudonyme dans le réseau qu'il a créé, la confrérie Notre-Dame, est Rémy. Ah, le colonel Rémy. Lui-même. Ouais. Et son réseau était l'un des premiers à rallier la France libre. Ouais. Pourtant, entre Rémy et Joseph, il ne doit pas y avoir beaucoup d'affinités politiques, non ? Mais c'est vrai. Enfin, quelque chose de plus important va les unir. La lutte contre l'occupant. Et ils le montrent très vite sur le terrain, puisqu'ensemble, ils vont organiser une des premières livraisons d'armes britanniques au FTP. Donc, à la résistance communiste, oui, pour être clair. Même si dans les FTP, il n'y aura pas que des communistes, il ne faut pas l'oublier. J'ajoute que malgré leurs différences d'opinion politique, les deux hommes sympathisent. Ouais. Est-ce que, à ce moment-là, Joseph occupe un rang élevé dans la hiérarchie de l'organisation ? Écoute, je ne sais pas s'il avait un titre, mais son rôle était incontestablement important, puisque c'est lui qui a été chargé à plusieurs reprises des liaisons avec Londres et la France libre. Oui, hein. Quelque sorte responsable des relations extérieures. Oui, c'est donc un homme qui compte. J'ajoute que Joseph est aussi le collaborateur d'un responsable communiste assez mystérieux. Qui ? Celui qui se fera appeler Jean Géraud. Ah oui, l'une des éminences grises du Parti communiste. Oui, un homme de l'ombre qui sera plus tard le financier plus ou moins occulte du parti. Et sur lequel on a raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est exact, mais revenons à Joseph. C'est aussi l'un des responsables du service de renseignement de FTP. Celui qu'on appelait le service B. C'est ça. Ouais. Donc, dès cette époque, enfin, le futur colonel B est donc une sorte de professionnel du renseignement. Oui. Mmh. Et je pense qu'il n'est pas inutile de le souligner, puisque plus tard, il sera accusé d'espionnage. Vous avez raison. Mmh. Et puisque ça n'est pas la première fois que nous parlons ensemble du service B, hein, il faut aussi rappeler que ce service de renseignement envoie des informations aussi bien à Londres qu'à Moscou. Ça aussi, c'est exact. Mmh. Et après la guerre, alors, que devient le résistant Joseph ? Comme beaucoup d'autres cadres des FTP, il décide d'embrasser une carrière militaire. C'est une décision personnelle ou bien obéit-il aux consignes du Parti communiste ? Ça, je ne sais pas. Mais enfin, c'est vrai que les dirigeants communistes voulaient que certains des leurs fassent une carrière dans l'armée. Ouais, une mission d'infiltration ou de noyautage. On peut voir les choses comme ça. Mais ça se comprend. La haute hiérarchie militaire, celle qui avait perdu la guerre de 40, ne brillait pas par son républicanisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la tentation était grande de changer cet état de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que déjà, la guerre froide se profilait. Ouais. Alors, Joseph devient officier ? Il entre dans l'armée avec le grade de commandant. Et il fait l'école de guerre. Il en ressort lieutenant-colonel. Alors, à partir de maintenant, oublions Joseph et appelons-le le colonel B. D'accord. Alors que fait le colonel B après l'école de guerre ? Mais il est d'abord nommé à l'état-major de la première région militaire, puis il part ensuite en Tunisie. Mmh. On lui donne un commandement ? Oui, un régiment de zouaves, mais il reste très peu de temps de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que très vite, on commence à se méfier de ces officiers issus des rangs FTP. À cause de leur appartenance supposée ou réelle au Parti communiste ? Essentiellement, oui. Mmh. Et même si ces officiers se défendent d'avoir leur carte du PC. Alors que deviennent ces officiers ? On ne les envoie pas à Limoges, c'est passé de mode, mais enfin d'une certaine façon c'est la même chose. Ils sont regroupés à Versailles. Donc mis à l'écart. Hein. Ils sont nombreux ? Un peu moins d'une centaine. Et à Versailles, que font-ils ? Rien, ou presque. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Que voulez-vous dire, là ? Bon, en fait, certains de ces militaires obéissant strictement aux consignes officielles du parti acceptent leur exil versaillais, mais d'autres, non. Parmi le colonel B ? Oui. Mmh. Mais concrètement, que font-ils ? On est alors en pleine guerre d'Indochine. Oui. Les communistes proclament leur sympathie avec le Viet Minh. Par conséquent, il est tentant pour ces officiers relégués à Versailles de mettre en place des structures de soutien aux combattants du Viet Minh. Oui, mais ce faisant, ils combattent l'armée qui est engagée en Indochine. C'est vrai, mais ces anciens résistants sont avant tout des militants. Est-ce que le noyautage allait plus loin ? Oui, je vois, vous voulez en venir. Vous demandez si quelques-uns de ces officiers n'avaient pas de rapport avec Moscou. Bien sûr. Bien, je peux vous répondre par l'affirmative. Et ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que ces relations directes avec Moscou, donc avec les services soviétiques, étaient parfois ignorées des instances dirigeantes du PC. Mais n'oubliez pas que ces officiers FTP avaient déjà été en contact avec Moscou pendant la guerre. Oui, mais soyons clairs, et ne jouons pas sur les mots, là. Il s'agissait bel et bien d'espionnage. Bien entendu. Le colonel B était-il un cadre du Parti communiste ? Roger Faligaud et Rémy Coffer, qui ont consacré un livre au service de renseignement des FTP, sont formels. Ils affirment, je les cite, qu'avant-guerre, il est secrétaire de la section communiste du 19e arrondissement Mais c'est avant tout un homme de l'appareil clandestin, un militant de confiance. La commission centrale des cadres dans laquelle il travaille est au cœur de l'appareil communiste. Elle contrôle les biographies de tous les cadres du parti, les bio dans le jargon maison. Tout adhérent doit remplir sa bio. S'il devient responsable, il devra en remplir une autre, et ainsi de suite, à chaque stade de son ascension. D'où le pouvoir très important des cadres, centralisant toutes ces informations, les recoupant. La commission des cadres donne son avis, qui a généralement force de loi, sur chaque nomination, chaque mutation, voire chaque mise à l'écart. Officiellement, Georges B. est gérant d'une petite entreprise d'électricité automobile, mais il s'agit naturellement d'une couverture de fait. C'est un semi-permanent du parti, rompu aux tâches clandestines. Il a sans doute effectué un ou deux voyages secrets en URSS. C'est du moins ce qu'il affirmera plus tard à un compagnon de clandestinité. Le livre de Faligo et Coffer, Service B, a été publié chez Fayard. Est-ce que le colonel B faisait partie de ces anciens officiers FTP qui étaient en relation avec les services soviétiques après-guerre ? Vraisemblablement, oui. Vous n'êtes pas formel, hein ? Non, parce que je ne dispose d'aucune preuve. Ouais, mais vous avez une idée, quand même. Oui, enfin, pour bien comprendre, il faut se mettre dans la peau de ces militants qui ont été formés à l'époque du Comintern. Le Comintern, c'est-à-dire la Troisième Internationale communiste. C'est cela. Une organisation quasi-clandestine, composée de militants aguerris et entièrement dévoués à la cause de l'internationalisme prolétariat. Et de Staline. Mais inévitablement, puisqu'il est le chef de la patrie du socialisme, comme on dit alors. Et ceux qui contesteront son autorité le paieront souvent de leur vie, vous le savez bien. Mmh. Mais c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que ces hommes, même s'ils agissaient parfois avec cynisme, étaient d'abord des idéalistes. Mmh, des communistes purs et durs. Oui, et surtout des militants qui ne faisaient pas la différence entre la lutte idéologique et le soutien à l'URSS, vous comprenez ? Mmh. En aidant les soviétiques, en les informant, en récoltant pour eux des renseignements sensibles, ces gens-là avaient l'impression de faire leur devoir. Et pas de l'espionnage. Non, voilà. Ouais, et espions... Par idéalisme. Exactement. Et remarquez-le bien, les Rosenberg n'ont pas agi autrement aux États-Unis. Hein. Ils étaient sincères. Ouais, c'est sûr. Alors, le colonel B, lui aussi ? Après la fin de la guerre, c'est presque certain. Mmh. Et ensuite ? Ensuite, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que beaucoup de ces communistes vont se rendre compte peu à peu de la vraie nature du stalinisme. Le rêve va s'écrouler. Oui, et puis il y aura Budapest, les révélations de Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Alors certains de ces militants, anciens des Comintern, ou ralliés au communisme dans les rangs des FTP, commenceront à ouvrir les yeux et finiront par rompre. Oui, ce sera la fin des espions idéalistes. À peu près. Désormais, il faudra payer les taupes. Ou bien il faudra trouver quelques failles dans leur vie privée pour les contraindre à espionner. Et les faire chanter. Oui. C'est ainsi que les services de l'Allemagne de l'Est en particulier utiliseront le sexe pour suborner et recruter secrétaires et fonctionnaires de l'autre Allemagne. Mais revenons... Au colonel B, si vous le voulez bien, il demeure encore longtemps dans l'armée ? Jusque dans les années 60, oui. Mmh. Et ses activités clandestines, elles ? Pour ma part, je suis persuadé qu'il est merveilleuse. C'est-à-dire qu'il s'éloigne peu à peu ? Oui, d'autant qu'à la fin des années 40, il a été échaudé. C'est-à-dire ? Une enquête pour espionnage est diligentée contre lui. Par qui ? La DST. Mais on ne peut rien prouver contre lui. Et le colonel B n'est pas inquiété outre mesure. En tout cas, si à l'époque, il est réellement en contact avec les services soviétiques, il doit prendre ses distances. Mmh, par prudence, oui. Bien sûr, c'est la règle. Dès qu'un agent est démasqué ou même simplement soupçonné, il faut rompre pour ne pas mettre en danger les autres membres du réseau. D'ailleurs, ce réseau est lui-même mis en sommeil un certain temps. Mmh, alors, on peut donc penser que le colonel B lui-même est mis en sommeil. Je le pense. Et si vous le permettez, passons quelques années et arrêtons-nous en 1973. 1973, que se passe-t-il cette année-là ? Un agent soviétique fait défection. Il passe à l'ouest, donc. Oui, et il fait des révélations contre espionnage français. Le DST, alors, que dit-il aux agents ? Il affirme que le GRU, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée rouge, est en possession du plan de défense de l'ouest de la France. L'ouest, la Bretagne, hein ? Et la Normandie, deux zones très sensibles pour notre défense, puisqu'on y trouve les arsenaux de Cherbourg et Brest. Ouais, et sous-marins nucléaires. Voilà. Donc c'est excessivement grave. Relativement, oui. Encore que dans ces cas-là, les autorités, surtout les autorités militaires, sont enclines à exagérer le danger, à crier au loup. Enfin, n'empêche, c'est vrai que les soviétiques sont en possession de documents qu'ils ne devraient pas détenir. Mmh. Alors, l'enquête, j'imagine. Bien sûr, et c'est la DST, naturellement, qui mène les investigations. Mmh. Résultat ? Les policiers cherchent d'abord qui pouvait bien être en possession de ce fameux plan de défense. Ouais, logique, ça, ouais. Et ils s'aperçoivent que beaucoup de personnes l'ont eu en main. Au total, je crois que 60 et quelques copies ont été faites, toutes numérotées. C'est beaucoup, non, pour un document ultra secret. Incontestablement, car les flics de la DST constatent aussi que ces copies ont été diffusées dans une bonne trentaine de services. Donc les possibilités de fuite ont été démultipliées. C'est exact. Mmh. Ouais. Alors, quand on se trouve en en face d'un tel problème, je parle aux spécialistes là, comment procède-t-on ? On effectue un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'on s'intéresse de très près à tous les personnages qui ont mis en main ce plan de défense. On les surveille ? Non. D'abord, on étudie par le menu leur biographie. Et on essaie de déceler d'éventuelles failles. Bon, autant vous dire que c'est un travail fastidieux et très long. Et dans le cas présent, là, on trouve effectivement une faille ? Pas une faille, mais un rapprochement. Ah, précisez. Après de longs mois de recherche, les hommes de la DST découvrent que l'un des officiers qui était en possession de ce plan de défense, un type basé à Nantes, était une vieille connaissance du colonel B. Un ami ? Si vous voulez. Et à partir de là, la DST commence à explorer cette piste. Oui, parce que le colonel B était connu des services de la DST. Bien sûr, à cause de cette affaire qui datait de la fin des années 40. Quand on entre dans un fichier d'un service de renseignement, on n'en sort jamais. Mm-hmm. Même aujourd'hui, avec la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Monsieur Penaud, laissez-moi rien. Ce fichier très confidentiel échappe à tout contrôle. Et si la CNIL insiste, on lui abandonne quelques miettes. Mais enfin, je crois que nous nous égarons. C'est vrai, encore que... Hein. Enfin bon. Alors... À partir de ce moment-là, le colonel B est mis sous surveillance. Naturellement, mais depuis les révélations du transfuge soviétique, plus d'un an s'est passé. C'est-à-dire que les vérifications étaient longues et difficiles. Mmh. Mais bon, on ne détient encore aucune preuve concrète contre le colonel B. C'est juste, les enquêteurs de la DST n'ont que des soupçons. Mmh. Et que donne la surveillance de l'ancien officier des FTP ? Pas grand-chose, et c'est parfaitement normal. Mais pourquoi ? Expliquez-moi. Si le colonel est vraiment un agent, comme je vous l'ai expliqué plus haut, il a rompu tout contact avec son officier traitant. Ouais, mais à partir de quel moment alors ? Au moment où à Moscou, on a appris la défection du transfuge. Par conséquent, il y a peu de chances qu'on puisse prendre le colonel B en flagrant délit. C'est-à-dire au cours d'un contact avec un agent soviétique, par oui, exemple. Oui, ou encore à l'occasion d'une imprudence commise au cours d'une conversation téléphonique. Parce qu'il t'écoute en permanence. Naturellement, c'est ainsi que les mois, les années passent. Mais en octobre 1977, on va enfin se décider à arrêter le colonel B. Et cette décision est loin d'être innocente. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Roger Faligo et Rémi Coffer, que j'ai précédemment cités, ont évoqué la personnalité du colonel B dans un autre de leurs livres, également paru chez Fayard, Les Résistants. Ils ont retrouvé un compagnon d'armes de l'ancien résistant. Voici son témoignage. Rol Tanguy, prudent, prônait pour notre petit groupe d'officiers communistes une position légaliste. Il s'agissait avant tout de se présenter ouvertement comme des officiers républicains d'anciens résistants, victime de la vindicte des éléments ultra-conservateurs de l'armée. Au contraire, B souhaitait que les communistes de l'armée se camouflent complètement, menant une action clandestine. Il était sentimentalement très attaché aux soviétiques. Sur le plan psychologique, il faut dire que B m'a toujours paru un type bizarre. Assez naïf, il avait un goût excessif de la clandestinité, le romantisme de la conspiration en quelque sorte. Comme j'avais fait quidam, cet ancien ouvrier breveté de l'école de guerre se sentait curieusement plus proche de moi que des autres officiers du groupe un peu trop prolo. À ses yeux, se souvient Jean Brugier, qui à son retour d'Indochine est entré dans le cercle des officiers communistes où il soutient résolument la ligne réaliste et modérée de Rol Tanguy. Tel est donc l'homme qui, en octobre 77, est arrêté par les policiers de la DST. Une arrestation qui n'était pas tout à fait innocente d'après M. X. Pourquoi ? C'est la première question que je lui pose au début de la troisième partie de cet entretien. En octobre 77, on se trouve à quelques mois d'élections législatives décisives. Oui, celles qui ont lieu, si mes souvenirs sont bons, en mars 78. Oui, or vous devez vous en souvenir, la gauche a de bonnes chances de les remporter. Mmh. Cela, malgré la quasi-rupture entre les signataires du programme commun. Hein. C'est juste. Mais malgré ces divergences, la gauche est en mesure de gagner. Tous les sondages le prédisent. Or, c'est justement à quelques mois de ces élections que l'on annonce triomphalement l'arrestation d'un ancien officier FTP accusé d'espionnage au profit de l'URSS. Bizarre, non ? Vous insinuez donc que cette arrestation n'était pas dénuée d'arrière-pensée politique ? Ça me paraît probable. On voulait embarrasser les socialistes et leurs alliés communistes en montrant que le Parti communiste était toujours inféodé à Moscou. Ouais. Et donc, dans l'hypothèse d'une éventuelle arrivée de ministres communistes au pouvoir, l'action du nouveau gouvernement n'aurait pas eu de secret pour le Kremlin. C'est tout à fait cela. Mm-hmm. Oui, mais est-ce que vous avez des preuves ? Oh, il suffit de regarder la chronologie de cette affaire. Le transfuge soviétique parle en 1973. Un an plus tard, les soupçons se portent sur le colonel. Oui, mais la surveillance qui suit est longue et ne donne pas de résultats. Je suis d'accord, mais pourquoi attend-on la fin de l'année 1977 pour agir et arrêter l'ancien FTP, alors que l'on a à peu près tout compris dès 1975 ? Car en 1977, on ne dispose pas de plus d'informations qu'en 1975. J'ajoute que le colonel B ne pouvait plus venir puisqu'il était surveillé en permanence et qu'on n'avait pu découvrir aucune relation avec des agents de l'Est. Non, non, croyez-moi, il y a eu derrière une volonté politique d'exploiter cette affaire. Ouais. Ouais, je veux bien essayer de vous croire, mais même si la DST a arrêté le colonel B bien tardivement, elle devait quand même avoir de bonnes raisons de le faire. Oui, et on en vient au cœur de l'affaire. Le colonel est donc arrêté et il est longuement interrogé, plusieurs jours durant. Vous savez qu'en matière de sécurité intérieure, la garde à vue peut être prolongée. Est-ce qu'il parle ? Il raconte tranquillement sa vérité. Ce qui signifie ? Qu'il n'est nullement pris au dépourvu par son arrestation. Et il avait donc été prévenu ? C'est la première hypothèse. Mmh, une hypothèse qui laisse à penser qu'il était vraiment coupable, hein, parce que seuls les soviétiques ont pu l'avertir qu'il risquait d'être arrêté. Vous avez raison. Mais il y a une deuxième hypothèse. C'est celle de la bonne foi. Et je vous le dis tout de suite, moi-même, je suis très troublé. Troublé ? Pourquoi ? Parce que son histoire se tient. Bah, racontez, alors. Que dit le colonel B ? Qu'il a été effectivement approché par les soviétiques. Quand ? En 1963, à une époque où il vient de quitter l'armée. Et ces soviétiques, qui sont-ils, là ? Des journalistes de l'agence TASS. Ouais, on sait que le KGB, en particulier, infiltrait souvent des hommes dans les organes de presse. Et parmi les correspondants en poste à l'étranger. Donc, un jour, à l'occasion d'une réception quelconque, où il est invité en tant qu'ancien officier FTP, le colonel B rencontre un sympathique journaliste de TASS. Et les deux hommes se revoient. Le soviétique est très curieux de ce qui se passe en France. Classique, non ? Oui, d'autres ont commencé à se faire piéger de la même façon. Et le colonel B, c'est lui qui l'affirme, ne se méfie aucunement. Après tout, quel mal y a-t-il à parler avec un journaliste étranger de la situation politique française ? Mais, dit toujours le colonel, le journaliste et celui qui bientôt lui succède se montrent de plus en plus curieux. C'est-à-dire curieux ? Eh bien, ce pseudo-journaliste ne s'intéresse plus seulement au personnel politique français, mais il demande aussi des renseignements sur les officiers que le colonel a été amené à approcher. Et le colonel, lui, n'a toujours aucun soupçon ? Non. Il est très naïf, alors. Hein. Ah, c'est ce que pensent d'abord ceux qui l'interrogent. Mais le colonel poursuit. Un jour, dit-il, sous le prétexte de faire un reportage sur l'armée française, le journaliste lui demande de lui fournir des documents auxquels il pourrait avoir accès. Mm-hmm. Il y a en particulier un point qui l'intrigue. C'est la défense de l'Ouest de notre pays. Bah là, c'est clair. Oui, mais le colonel B n'y voit pas malice. Pff, quand même. Et il demande à un de ses bons amis restés dans l'actif de lui transmettre le document. Ouais, l'officier de Nantes, là, oui. C'est ça. Ouais. Mm. Mais là, il sait forcément qu'il se livre à une activité d'espionnage. Non, prétend-il. Car il pensait que ce document était largement distribué parmi les cadres supérieurs de l'armée et qu'il n'était donc nullement secret. Étrange défense, non ? Mais le colonel s'y tient fermement. Il ajoute même qu'il n'a commencé à s'interroger que lorsque, pour la première fois, son interlocuteur soviétique lui a proposé de l'argent. Mm-hmm. Et réaction du colonel B, enfin toujours selon son récit. Oui, il refuse avec indignation, bien entendu. Mais un peu plus tard, lorsque le journaliste de TASS lui fait parvenir du matériel de transmission, il dit avoir accepté. Ah ben ça, c'est enfin un aveu. Il peut pas nier ce point. On a retrouvé chez lui une partie de ce matériel. Et la DST peut même établir que l'ancien FTP s'est rendu clandestinement à Moscou, sans doute pour y suivre une formation. Mm-hmm. Okay, mais comment les policiers arrivent-ils à cette conclusion ? Le colonel reconnaît s'être rendu à Moscou. Un voyage d'agrément, dit-il, à l'invitation d'un de ses amis journalistes de TASS. Mais pourquoi a-t-il caché ce voyage à ses proches ? Et pourquoi son passeport ne porte-t-il pas trace de son passage en URSS ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de tampon, c'est ça ? Ni de visa. Alors là, pardonnez-moi, mais moi je me suis rendu personnellement plusieurs fois en URSS. Et à chaque fois, mon visa était établi sur une feuille volante que la police soviétique récupérait lors de mon départ. Admettons. Donc pas de tampon. Hein. Et puis ça n'a pas d'importance, puisque le colonel ne nie pas ce voyage. Ce qui compte, c'est qu'il existe désormais un grave faisceau de présomption contre lui. Le colonel B est donc piégé, c'est ça ? Oui, mais il affirme non sans habileté qu'il a commencé de lui-même à se désengager au début des années 70. C'est-à-dire au moment où il s'est rendu compte qu'il risquait de devenir vraiment un espion. Oui. Mmh. Et en faisant ce demi-aveu, le colonel piège les policiers de la DST. Expliquez-moi ça. Parce que c'est l'apparence de la vérité, tout simplement. La DST n'a pas pu mettre en évidence concrètement que le colonel B avait des contacts avec les soviétiques. Pour la bonne raison qu'à partir du moment où il a été mis sous surveillance, il avait réellement cessé d'en avoir. Mais s'il a coupé tout contact, ce n'était pas de sa propre initiative, mais parce que les services soviétiques savaient qu'un transfuge avait mis le réseau en danger. Ouais. Et le colonel avait donc eu le temps de préparer parfaitement ses aveux. À l'évidence, oui. Et voyez-vous, dans cette affaire, l'ancien officier FTP s'est conduit en militant. Dès 1973, il savait qu'il serait un jour ou l'autre incriminé. Donc il pouvait se sauver ? Par exemple, oui. Mais le colonel a choisi de faire front et de se battre pied à pied. Mais pourquoi est-ce une attitude militante ? Parce que, d'une certaine manière, il s'est sacrifié. En faisant ses demi-aveux, il a bloqué l'enquête, il a évité qu'on fasse la lumière sur le réseau pour lequel il avait travaillé. Il a donc protégé les autres, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait. Car notez-le bien, ce colonel a été le seul inculpé. Et tout au long de ses interrogatoires, comme plus tard lors de sa comparution devant la Cour de Sûreté de l'État, qu'il condamnera à 8 ans de réclusion, il n'a cessé de clamer « Je suis un ancien officier FTP, mais je n'ai pas de rapport avec le Parti communiste. Ouais. » Vous insinuez donc que c'est peut-être le parti qu'il cherchait à protéger. Ou certains de ses membres engagés clandestinement comme lui dans la lutte internationaliste. Et tenez, pour en terminer, je vous citerai une confidence faite par l'un des enquêteurs de la DST. Dans cette affaire, nous n'avons approché que 25% de la vérité. Intéressant, non ? La DST, nous l'avons vu, n'a pu incriminer dans cette affaire aucun membre du Parti communiste. Thierry Volton, auteur d'un ouvrage intitulé « Le KGB en France », donne une explication, je vous la donne, pour ce qu'elle vaut. Le Parti communiste aurait été averti de l'enquête sur B grâce à un informateur à l'intérieur du contre-espionnage français. Peu avant l'arrestation, le PC aurait réussi à mettre en sécurité un réseau de radios clandestines que le parti entretient illégalement depuis 1945, réseau que pouvait connaître B, puisque, comme nous l'avons vu, il avait été chargé par Jean Jérôme de le mettre en place pour communiquer avec l'URSS pendant la guerre. Et le même auteur d'ajouter en conclusion, même si elle reste en partie obscure, cette affaire illustre parfaitement la complexité des rapports entre le PCF et les services de renseignement soviétiques. En apparence, il n'existe aucun lien entre les deux. Et rares ont été les militants du PC impliqués dans des affaires d'espionnage depuis une quarantaine d'années. Pourtant, il n'est pas possible de s'intéresser aux activités subversives du KGB et du GRU en France, sans regarder de plus près le soutien que peuvent leur apporter les communistes. Cela fait partie du contrat idéologique et politique passé entre tous les PC et le grand frère soviétique. Le livre de Volton a été publié chez Grasset. Quant aux éventuelles arrière-pensées politiques du pouvoir en place lors de l'arrestation du colonel B, voici ce qu'écrit Pascal Krop dans son ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès, « Les secrets de l'espionnage français ». Au procès, en 1978, devant la Cour de Sûreté de l'État, Louis Mouchon, l'ancien responsable du service politique du SDEC, ironisera sur la prise de la DST. J'ai l'impression, dans le contexte d'une période préélectorale, que l'on a sorti cette affaire B, nous étions en 1977, à point nommé. Devant l'auteur, au cours de plusieurs entretiens, Louis Mouchon insistera sur le fait que la DST avait depuis longtemps démasqué le colonel B, mais qu'elle avait entendu la veille des élections législatives que la gauche pouvait raisonnablement espérer remporter pour faire éclater le scandale. Comme, pour lui donner raison, le président François Mitterrand fera relâcher B peu après son arrivée au pouvoir. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.